Tout et bonjour à tous, bienvenue sur iFunk, vous êtes sur Radio Fadjet 94.2 et vous êtes là, eh bien, pour profiter un maximum pendant 30 petites minutes d'un maximum de plaisir funk. Alors, moi je me présente Dorian, l'objectif, eh bien, comme toujours, de profiter un maximum de funk et ce pour faire, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous faire découvrir des nouveaux sons. Alors, eh bien, évidemment, 30 minutes, c'est assez court et c'est assez long à la fois. En tous les cas, bah moi, ça m'empêche de mettre tout le son que j'aurais voulu, hein, évidemment. Mais en tous les cas, on va commencer par du lourd, évidemment. Un son que tout le monde connaît. J'ai bien, évidemment, en tête Imagination, Just an Illusion. Et c'est sur Radio Fadjet. Let's go! Just an Illusion. Donc, c'était Imagination, Just an Illusion, 1982. Alors, juste petite info, justement, sur cette musique, super intéressant. Il faut savoir que, en fait, c'est grâce à un Français qu'on entend cette musique-là, puisque bah, vous connaissez peut-être Gérard Lenormand, je ne sais pas. Gérard Lenormand, c'est en fait celui qui chante. Alors, je vais essayer, attention, interprétation. La balade des gens heureux, je vais vous chanter la balade. Voilà, donc cette personne-là, en fait, est à l'origine en fait, de ce groupe. Il a créé un label et ce label a donc propulsé, fait exploser hein, par la suite Imagination. Et donc, vous avez écouté Just an Illusion. Donc, vous êtes toujours sur iFunk, évidemment, toujours pour du funk, toujours du disco, parce que là, on a écouté plus du disco. Et puis, j'ai envie encore un petit peu de vous mettre encore un peu de disco, mais pas tout de suite. Avant, évidemment, je vais vous mettre un petit peu de James Brown. Hein, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parti tout de suite pour James Brown, Don't Stop the Funk. Et c'est sur Radio Fadjet 94.2. Let's go! UK. Et donc James Brown, Don't Stop the Funk. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, hein. Vous êtes sur l'émission iFunk, évidemment sur la radio Fadjet 94.2. Eh bien, moi, ça me fait super plaisir de vous avoir encore, hein. Pour ceux qui découvrent, qui viennent d'arriver, c'est simple. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir pour faire, pour partager un petit peu du funk, les amis. Voilà, tout simplement. Puis du disco, et puis du groove, et puis après, dans d'autres émissions, je voudrais vous faire découvrir le funk rock, la G-funk, le new funk, le jazz funk, etc., etc. Il y a tellement de styles dans ce style de musique. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. Alors, juste parce que moi, j'aime bien, pour ceux qui découvrent, discuter un petit peu de la musique qu'on a entendue. Donc là, il s'agit de James Brown, Don't Stop the Funk, sorti en 1980. Alors, James Brown, donc je le rappelle jamais assez, c'est un peu le parrain du funk. Il faut savoir quand même que c'était un petit tyran quand même, tyran avec une arme, hein. Bon, c'est d'époque, hein, on appelle ça le business d'époque. Donc c'est vrai que c'est pour ça que souvent sa team changeait, parce que il était peut-être un petit peu trop funk, vous voyez. Voilà, évidemment le funk, c'est pas que la violence, hein, c'est certainement pas la violence, c'est aussi beaucoup de joie et d'amour. Et d'ailleurs, justement, j'en profite, je vais vous faire découvrir évidemment un son, eh bien, que j'adore, qui a été repris, évidemment, par Will Smith. On verra ça par la suite. Avant de vous en parler, je vous fais écouter. Il s'agit de Patrice Rushen, Forget Me Not, et c'est sur iFunk. Let's go! We'll be right back. Ok, Patrice Rushen, Forget Me Not sur iFunk. Alors, juste un petit peu pour discuter toujours hein, sur la chanson qu'on vient d'entendre. Il faut savoir que cette musique a été créée lors d'une jam. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas en fait les jams, il y en a d'ailleurs à Nancy, hein, je vous invite à y aller. Ça fait un moment d'ailleurs que je n'y suis pas allé. C'est un endroit où les instruments, les chanteurs viennent et improvisent sur quelque chose. Et à la fin, bah, tout le monde improvise sur quelque chose. Ça range souvent des choses très, très, très intéressantes. Et là, il s'agit de base d'une improvisation, d'accord ? Il faut savoir que Patrice Rushen, de base, est plutôt du milieu du jazz. On l'entend d'ailleurs dans le style. Et ce qui est marrant, c'est que de base, bah, comme beaucoup de musique, hein, si on regarde dans l'histoire, eh bien, le label n'a pas cru tout simplement à cette musique-là. Hein. Un petit peu trop avant-gardiste, hein. Je rappelle, on est en 1982. Cette musique a été reprise par exemple dans Wild Wild West par Will Smith en 2000, que je dise pas de bêtises, bien plus tard, attendez je regarde tout de suite hein, parce que j'aime pas vous dire des bêtises. Donc elle a été reprise en 1997, oui, dans le premier Men in Black, exactement. Et bah ça a cartonné hein, donc voilà, c'est une histoire d'amour hein, comme je vous disais. Et bah je vous invite à découvrir, redécouvrir cette petite Patrice Rushen qui nous donne évidemment beaucoup de plaisir. Alors, du coup, bah, on va profiter pour écouter un autre son. Je ne sais pas trop, j'ai tellement envie, comme d'habitude. Hein, le temps passe tellement vite. Ça fait déjà près de 17 minutes qu'on est ensemble. Alors, j'ai envie de vous faire écouter du France Jolie. France Jolie, c'est une Québécoise qui nous chante une chanson géniale en funk. On va avoir aussi du Sister Sledge. Vous savez quoi ? Eh bien, ni du Sister Sledge, ni du France Jolie. Je vais vous faire écouter un bon petit The Brother Johnson, hein, funk it. Hein, c'est parti, ça bouge. Si vous êtes, peu importe où vous êtes, en fait, ça va funker, hein, mes amis. Je vous invite à danser. Et puis, vive le funk, hein, comme d'hab. Let's go, The Brother Johnson, funk it. I wanted to be a guitar man. When I grew older with my brothers, we wanted to start a funky band. So we became really cool in the groove, really smooth, and we played all across the land. Everybody was amazed how these brothers really played. We just said funky, we just a funkin' around. So we said funky. The Boss Johnson, Funk It. Eh bien, vous êtes toujours sur I'm Funk, mes potes. Hein? Et mes potes, évidemment, tout le monde est là, tout le monde est invité à profiter du funk. Alors, j'espère que vous allez toujours aussi bien. J'espère que ça funk. En tout cas, pour moi, évidemment, c'est toujours le cas. Alors, juste petite histoire, hein, puisque comme d'hab, hein, The Boss Johnson, c'est quand même, c'est pas n'importe quel groupe. Hein. On est dans la crème de la crème. Hein. C'est quand même une team qui a travaillé avec notamment Supremes, David Ruffin, Bill Withers, Bobby Womack. Hein. Je vous invite à regarder. Je vous enverrai ça. Je vous enverrai ça. C'est des pointures. Ensuite, eh bien, évidemment, ils ont postulé, si vous voulez, en gros, pour être instrumentiste avec, enfin, pour Stevie Wonder. Évidemment, ils ont été pris. Ensuite, ils ont fait une tournée au Japon. Ils ont fait une tournée. Ils ont fait des albums avec Quincy Jones, du lourd. Et ensuite, bah, ils ont fait leur petit chemin. En tous les cas, The Boss Johnson, c'est un groupe évidemment très lourd qui pèse dans le game, comme on dit. Et donc, ça me fait super plaisir de vous avoir fait partager ça. Alors, du coup, j'ai envie, comme d'hab, hein, de vous faire... déjà la semaine dernière, ça fait déjà 2 semaines que je voulais vous faire écouter ça. C'est un son que j'adore. De toute façon, tous les sons que je mets, j'adore. Et du coup, je vous l'ai mis... Bah oui, on va vous faire écouter du bon vieux Sister Sledge, We Are Family. Hein. Alors, chose importante, très importante, pour écouter ce son, hein, sourire obligatoire, d'accord, hein, puisque nous sommes une famille. Évidemment, le funk, c'est une famille, le disco, c'est une famille, le monde est une famille. Bref, cessons de parler. Écoutons le funk, Sister Sledge, We Are Family, c'est sur iFunk, Radio Fadjet, évidemment, 94.2, et c'est parti, We Are Family. Let's go. Future and our goals in sight. Hey, j'espère que ça... J'espère que ça tape des mains, hein. J'espère que ça saute partout. We are family, Sister Sledge. 1979, si je ne dis pas de bêtises. Alors, chose intéressante hein, quand même. Ah, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons plus les... C'était des sœurs, d'ailleurs, vraiment des sœurs qui chantaient. Elles étaient quatre, les Sister Sledge, du coup. Et donc, en fait, bah, en 2016, il y en a une qui est partie. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Johnny. Johnny, hein, des Sisters. Et c'est intéressant parce qu'elle nous partage une chose assez intéressante, très très intéressante d'ailleurs, c'est que de base, avant d'être chanteuse, de vouloir être chanteuse, elle pensait vraiment s'orienter vers le droit, hein, puisque l'objectif évidemment c'était transmettre un message d'unité, hein, et évidemment supprimer les inégalités sociales hein, qui sont en 1979 toujours d'actualité, même en 2020 aujourd'hui aux États-Unis. Mais en tous les cas, ce qui est génial, c'est que c'est un message d'unité qui a transcendé finalement même leur propre voix originale, puisque bah, elles sont restées chanteuses. Et puis, bah, évidemment, we are family. Alors, bah, le temps passe super vite. Ça fait déjà près de 28 minutes qu'on est ensemble. Le temps passe trop vite, mes amis. En tout cas, j'y pensais la semaine dernière. J'y pensais la semaine d'avant. Là, c'est obligé. Je vous avais fait écouter du Rufus, si vous vous souvenez. Je suis obligé de vous faire écouter du Chaka Khan, puisque c'est un featuring avec Rufus. Ain't Nobody. Et c'est donc le dernier son qui va clôturer notre émission iFunk. Ça me fait super plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Et je vous attends... évidemment, en délire pour la semaine prochaine, Radio Fadjet, hein, je rappelle, le samedi à 17h pour un maximum de plaisir, un maximum de funk. Et puis, bah, moi, je vous souhaite un excellent week-end, un excellent joie et de l'excellent funk, évidemment, avec Chaka Khan, Rufus